Homme, c'est la position. Ouais, je suis à l'intersection. Okay. T'inquiète, je suis dans les temps, malgré la déviation. Okay. Je t'attends là où tu sais, okay. Pas loin du parking. Ok, ok, à tout de suite. Vas-y, à tout qu'on fasse un briefing. Wesh alors, c'est comment? Bien ou quoi? T'es en forme? Bien sûr, comme d'hab, dès que j'enfile mon uniforme. Aïe. On change pas nos codes, toujours les mêmes méthodes. C'est notre dernier coup, donc le dernier épisode. Ok, faut speeder. Si, tout vidé. En moins de 5 minutes, on essaye de tout liquider. J'hésiterai pas à tirer. Ah, si on a un qui l'ouvre, faut le faire intelligemment, mutuellement. Faut qu'on se couvre. C'était mon bouclier. Et moi, je suis le tien. Ouais, ouais, on se soutient. Du début à la fin. Normal, c'est évident, mais quand même, soyons prudents. On enfilera les gants avant d'entrer dans la crêpe. Trêve de bavardage, allons affronter l'alarme. C'est le moment du braquage, donc chargeons les armes. Bienvenue dans My Movie. Le talon, la sous-vie. Dur et la survie. Carré dans vas-y, un viens. Vas-y, prends. Les commandes et les devants. Tous les risques et le volant. L'adrénaline de l'armement. Dans un risque du métier. Enterrer la pitié. Ainsi que l'amitié. Place à la danse. Ça fait baisser les bras. Car ici, à bras. Et une fois le coup blindé, conseil dans un film. T'es paré ou quoi? Ah, je suis paré comme j'ai réussi. Ah, je suis paré. Eh, c'est notre dernier coup. Vas-y, on y on va. Assure. Direct, chaud, vas-y, chaud. Direct. Hey. Vas-y, go, go, go, go. Tout le monde a plat ventre et que personne ne bouge. Elle est juste ici qui veut une passe dans la bouche. Pendant qu'on vide les coffres, que personne ne nous chauffe. Ah ouais. Restez bien au sol et vous repartirez sain et sauf. Eh, hey, toi, ouais, toi, bouge encore et je t'allume. T'essayes d'appuyer sur le bouton qu'alerte toute la commune. Crois pas que je plaisante, j'en ai fumé plus d'un. Tu seras qu'une victime de plus dans mon CV d'assassin. MZ, ouais. Pourquoi tu tapes la discute? Le pas. Temps est précis, faut qu'on s'arrache dans une minute. Okay, okay, on n'est okay. Pas loin du but, donc faisons les trucs. Avant de foutre le camp, si on a le temps, si on occupe. T'as raison, ouais. Faut pas qu'on se fasse griller. Continuons de tout piller jusqu'au dernier billet. C'est bon, les sacs sont pleins, on s'arrache et stop. Tout s'est bien passé, c'était notre dernier hold up. Bienvenue dans My Movie. Le talon, la sous-vie. Dure et la survie. Carré dans vas-y, un viens. Vas-y, prends. Les commandes et les devants. Tous les risques et le volant. L'adrénaline de l'armement. Dans un risque du métier. Enterrer la pitié. Ainsi que l'amitié. Place à la danse. Ça fait baisser les bras. Car ici à bras. Et une fois le coup blindé. Conseil dans un film. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Au sommaire de notre journal, deux braqueurs ont enfin été identifiés, mais pas encore interpellés. Nommés Chroma et Sultan, on compte à leur actif plus de 92 braquages de banques. Toutes les forces de l'ordre du territoire se sont mobilisées sur l'enquête. Côté sport, le PSG affronte à nouveau l'OM pour un match retour. Dans tous les journaux, ils affichent nos visages. Y'a même des reconstructions de nos braquages en images. On est trop wanted. Y'a plus qu'à se tirer au bled. Y'a des articles sur nous, même sur le web. On détient le record. Des casses de coffre fort. Il aura fallu du temps avant qu'il y ait nos places qui sortent. Avec les thunes qu'on a, on peut partir en cave. Normal. Quitter le pays par les petites nationales. Ok, c'est parti. On roule. Cool. Terminer les cagoules. À faire périphier la foule. Ouais, je deviens parano. Je sens un truc chelou. J'ai l'impression qu'il y a une voiture derrière nous. Ok, faisons un test. Je vais faire un demi-tour. Pour voir si vraiment cette voiture nous suit toujours. Y'a un gyro qui s'allume. Des véhicules qui s'accumulent. J'ai juré que ça part en chasse. Je veux pas finir en cellule. Putain, ils nous ont eu. Devaient nous suivre depuis longtemps. Ces bâtards ont su mettre leur gyrophare au bon moment. Un bal. La rage. On se fait prendre. Le choc serait mortel. On est condamné à se rendre. Veuillez sortir du véhicule. Je répète, vous êtes cerné, veuillez sortir du véhicule. Bienvenue dans My Movie. Le talon, la sous-vie. Dure et la survie. Carré dans vas-y, un viens. Vas-y, prends. Les commandes et les devants. Tous les risques et le volant. L'adrénaline de l'armement. Dans un risque du métier. Enterrer la pitié. Ainsi que l'amitié. Place à la danse. Ça fait baisser les bras. Car ici à bras. Et une fois le coup blindé. Conseil dans un film. T'es dans un film. T'es dans un film. T'es dans un film. T'es dans un film. Oh, Omze, Omze là. Eh, hey, Omze. Ouais. Lève-toi, Omze. T'es siable là. MZ, il y a un concert là, t'as oublié ou quoi? Eh hey, voilà, j'ai fait un rêve. Quel rêve, MZ? T'es dans un film, toi. Vas-y, lève-toi, hey, là. C'est pire que ça. Eh hey, non, t'es trop dans un film, là. Lève-toi, MZ, on a un concert, là. Vas-y, je me lève. Vas-y, c'est parti.